Les petites histoires de Tell Me. Un été ailleurs, épisode 2. Quand je suis arrivé à la maison, la douleur avait envahi tout mon corps. J'étais tellement couvert de bleu qu'on aurait dit un schtroumpf. J'ai dit une moitié de vérité aux parents, celle de l'accident de vélo. Mais rien sur le puits et notre découverte. Ils me forcèrent à rester au lit. Moi, je mourais d'envie de retourner dehors, mais comme je marchais comme un petit vieux, j'ai obéi. Néon venait chaque matin prendre des nouvelles, accompagné de Golgoth, son teckel, une joyeuse saucisse sur pattes qui a toujours la langue pendue. Ça lui donne l'air mi-niais, mi-rigolo. On passait notre temps à parler des trésors qu'on allait découvrir. Au bout de quelques jours, j'étais enfin sur pied. Néon et Golgoth vinrent comme à leur habitude. Au prétexte de sortir promener les chiens, nous sommes retournés sur le lieu de notre découverte. C'était une vieille cabane, recouverte de ronces et de mousse. Quand j'ouvris la porte, elle a tellement grincé qu'on s'est figé de peur. Golgoth renifla le plancher, puis trottina vers le tas de fouillis à côté du matelas moisi. Les livres étaient rongés par l'humidité, les boîtes en fer tellement piquées par la rouille qu'elles étaient impossibles à ouvrir. Le bric-à-brac n'était qu'une pile de vieux trucs nuls, et la malle, tristement vide. « Tu disais quoi à propos de la campagne et de ses aventures ?» Golgoth aboya. Il grattait une planche frénétiquement. On l'arracha sans effort. Elle cachait une bourse en tissu. À l'intérieur, un coffret en bois qui contenait une feuille jaunie. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que la guerre est finie et que je ne suis plus là. Avec une guerre, on peut tout perdre. C'est pour ça que j'ai convaincu les habitants du village de me confier leurs biens de valeur pour les cacher en lieu sûr. Les galeries du manoir fantôme. Elle était signée par un certain Robert D. et était accompagnée d'un plan. On s'enfonça dans la forêt jusqu'à rejoindre la rivière qui traverse le village. On suivit un chemin de terre pour déboucher sur une clairière aux reflets multicolores. On entendait le chant des oiseaux et le clapotis de la rivière en contrebas. Au loin, un manoir à moitié en ruine se dressait. L'intérieur n'était pas mieux. Des toiles d'araignées géantes habillaient le hall, des ronces et des tas de fleurs y avaient élu domicile. Le grand escalier qui amenait à l'étage s'était effondré. Sans prévenir, Golgoth se précipita vers une autre pièce. On n'imagine pas qu'un si petit chien puisse être si rapide. Il ignorait totalement nos cris de rappel. Et puis, il s'arrêta net pour faire des petits bonds devant une porte. Néon le prit dans ses bras, la saucisse se calma. J'ouvris la porte sans réfléchir. Un râle inquiétant s'éleva. « On va dire que c'est le vent, hein ?» Devant nous, un escalier descendait, impossible de voir plus loin que les 5 premières marches. « Partir en exploration sans matériel, on est vraiment pas malin !» Golgoth gigota si fort que Néon le lâcha. Il s'engouffra dans l'escalier. En essayant de l'attraper, j'ai trébuché et dégringolé toutes les marches. Quand je me suis étalé en bas, la saucisse me sauta dessus et me couvrit de l'échouille. « Tout va bien, Kian ?»« Oui, je crois. » Tomber, c'est ta spécialité, c'est ça ? Très drôle ! Je pris Golgoth dans mes bras et je me relevai. Le plancher craqua beaucoup trop fort. Je fus comme aspiré. Cette fois, la dégringolade fut spectaculaire. Mon épaule heurta quelque chose de pointu. Je rebondis comme une balle. J'atterris lourdement sur une face lisse et très inclinée. Je glissais, sans pouvoir m'arrêter. Et puis, plus rien. Quand je me réveillais, je sentis la langue rugueuse de Golgoth. J'avais l'impression d'avoir une dizaine de marteaux-piqueurs qui s'attaquaient à mon corps. Et en plus, je n'y voyais rien. Le silence qui nous enveloppait était entrecoupé de craquements, de grattements et de couinements. La panique me fit relever. La douleur me foudroya et m'arracha un cri si puissant qu'on avait dû m'entendre des kilomètres. Je m'écroulais. Ma jambe était cassée. Je m'évanouis. Golgoth me réveilla à coups de gémissements et de l'échouille. Je ne pouvais plus bouger. Je pensais que j'allais mourir ici, oublié de tous, avec une saucisse pour seule compagnie. Mais j'entendis des voix. Loin, très loin, elles m'appelaient. J'essayais de hurler, mais je ne réussis qu'à soupirer. Ma seconde tentative se solda par une quinte de toux. Alors que je commençais à sangloter, Golgoth se mit à aboyer comme un fou. Après plusieurs minutes de hurlement, il se calma. Un homme barbu, casque vissé sur le crâne, apparut. Il se pencha dans la cavité où je gisais. La lumière me permit d'apercevoir des tas de malles et de choses emballées soigneusement. J'avais trouvé le trésor. « Bouge pas, petit, je vais te sortir de là. » Il marmonna quelques mots dans son talkie-walkie avant de descendre en rappel. « Comment tu te sens ?» Il commença à me palper la jambe, ce qui me renvoyait dans les pommes. Quand je repris connaissance, j'étais saucissonné dans une civière. J'entendais Golgoth japper. Le trésor? On va d'abord te ramener en haut. On s'en occupera plus tard. Quand on revit le jour, il faisait presque nuit. Mes parents me sautèrent dessus, en larmes. Ils me couvrirent de câlins. La douleur s'envola. Néon s'approcha. Je perdis à nouveau connaissance. Je me réveillais comme dans un film, au fond d'un lit, dans une chambre toute blanche éclairée par une lumière qui vous donne l'air malade. J'avais la jambe et le bras plâtrés. J'avais mal partout et j'étais une fois de plus couvert de bleu. Mes parents et Néon m'entouraient. Mon ami leur avait tout expliqué. On discuta un moment. Papa et maman passèrent par toutes les émotions, mais je crois qu'ils étaient surtout soulagés. Un peu fiers aussi. On frappa la porte. Un monsieur rondouillard entra, posa un regard impressionné sur nous. C'était le maire du village. Il nous expliqua qu'on était des héros. Après avoir caché le trésor, Robert D. s'était volatilisé. Tout le monde pensait qu'il était parti avec. Son fils était mort en défendant le village. Personne n'avait donc trouvé la lettre. Et puis, le maire nous annonça que, d'après la loi, le trésor était à nous. La loi est super mal faite, non? Ouais, il est pas à nous. On pourrait le rendre aux familles, non? Et c'est ce qu'on a fait. Je n'avais jamais vu des gens aussi émus. Tout le monde nous appelait les petits héros. Ça nous faisait bizarre, hein, parce qu'on n'avait pas fait grand-chose. Je n'avais fait que tomber. Mais on était quand même fiers. Surtout que grâce à nous, tout le village s'était cotisé pour construire un mémorial en l'honneur de Robert. C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Genel et racontée par Arnaud Guillou. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. À la semaine prochaine !